Morin se demandait, qui est-ce? Et mille suppositions, mille projets lui traversaient l'esprit. Il se disait, on raconte tant d'aventures de chemin de fer, ça l'est une peut-être qui se présente pour moi. Qui sait? Une bonne fortune est si vite arrivée. Il me suffirait peut-être d'être audacieux. N'est-ce pas Danton qui disait, de l'audace, et toujours de l'audace. Si ce n'est pas Danton, c'est Mirabeau, enfin qu'importe. Oui, mais je manque d'audace, voilà le hic. Oh, si on savait, si on pouvait lire dans les âmes. Je parie qu'on passe tous les jours, sans s'en douter, à côté d'occasions magnifiques. Il lui suffirait d'un geste, pourtant, pour m'indiquer qu'elle ne demande pas mieux. Alors, il supposa des combinaisons qui le conduisaient au triomphe. Il imaginait une entrée en rapport chevaleresque, de petits services qu'il lui rendait, une conversation vive, galante, finissant par une déclaration qui finissait par ce que tu penses. Mais ce qui lui manquait toujours, c'était le début, le prétexte. Et il attendait une circonstance heureuse, le cœur ravagé, l'esprit sans dessus-dessous. La nuit cependant s'écoulait, et la belle enfant dormait toujours, tandis que Morin méditait sa chute.